Mais je n'ai aucune envie de voir des gens complètement fous. Oh, mais il n'y a rien à faire, parce que tout le monde est fou ici. Voulez-vous une bonne tasse de thé? Oh là là. Abre los ojos. Clair obscur. Musique sombre sur Rage. We'll be right back. Oh Trump, I love you so. Petite coquine, je t'adore. C'est ce que j'ai envie de dire à Marilyn tous les mercredis soirs quand on enquille juste derrière elle avec son émission Labo Rock et pour votre émission des musiques sombres. Bonsoir à tous mes petits corbeaux et soyez les bienvenus dans Clair Obscur, votre émission des musiques dark sur Rage pour continuer la soirée rock en compagnie de moi-même Stéphane, votre cher serviteur, ainsi que ma collègue Nathalie. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Ce soir, émission anniversaire. Alors attention, restez assis, accrochez-vous, ça va partir dans tous les sens. N'en déplaise aux quelques invités qui ont la chance d'être avec nous ce soir dans les studios, ou toi, cher auditeur qui nous écoute derrière ton poste. Attention, ce soir, ça va être dark, mais ça va aussi partir dans tous les sens. Et comme on vous l'avait laissé entendre la semaine dernière, et pour faire le lien justement avec cette émission spéciale glam qu'on avait fait la semaine dernière, Clair Obscur fête ce soir ses 3 ans d'existence. Et pour faire le lien, disais-je, j'avais envie de vous passer ce morceau, cette reprise, puisque ce soir c'est une émission spéciale reprise. Cette reprise du groupe du Nord Trouble Fête, un groupe à propos duquel on avait fait une rétrospective il y a un an, et un groupe post-punk mais qui de temps en temps va chercher dans d'autres styles musicaux, comme c'était le cas avec cette reprise de David Bowie, Rebel Rebel, et c'était sur un album de reprise créé par un libre en libre téléchargement par le net label Toadstool Micena Records. L'album s'appelait Death to Glitter. Nathalie, vous en avez passé il y a quelques émissions, et c'est notre ami Jean de Marseille, monsieur Schwarz Kisenberg, le Dark Bisounours, qui avait fait les visuels de cet album notamment, donc bisous à lui s'il nous écoute. Et maintenant on va passer vers une petite demoiselle qui est un petit peu plus loin que le nord de la France, mais qui elle aussi fait du très bon, une petite demoiselle qui plaît beaucoup à toutes les amatrices des films de Sofia Coppola, notamment Versailles, Patin Poufin, tout ça. Tu veux parler d'Emily Autumn, j'imagine. Bien sûr. Alors on va remercier Olivier qui nous a suggéré de passer cette délicate demoiselle avec une reprise, moi qui me fait mourir de rire parce qu'il fallait vraiment y penser. Quand on connaît le style décalé, le maquillage et le style trash à la fois classique et baroque d'Emily Autumn, et quand on voit ce qu'elle a repris, parce qu'elle a repris ce coup sur ce coup-là, un morceau de Cyndi Lauper. Alors je vous laisse deviner, c'est quand même un des plus célèbres. On en parle juste après, mais n'empêche que ça vaut le détour. Just wanna, that's all we really want. wanna, they just wanna, they just wanna, they just wanna, Girl Just Wanna Have Fun, un petit morceau que je dédie à Marie qui devait nous rejoindre ce soir et qui n'a pas pu faute de voiture, mais qui illustre bien un petit peu, je trouve, la mentalité de cette jeune demoiselle. Ça fait un petit peu triste qu'elle soit pas venue ce soir, mais j'espère que vous aurez reconnu Emily Houghton avec sa reprise complètement déjantée de ce morceau de Cyndi Lauper. Alors elle a sorti un EP où il y a que des reprises de ce style-là, donc si vous avez apprécié ce délire-là, il y a aussi une magnifique reprise de Queen qui vaut le détour vraiment. J'ai trouvé la démarche fort intéressante. Queen, un autre grand groupe du glam, entre autres choses, qu'on vous avait passé la semaine dernière dans cette émission spéciale glam qui sera disponible en podcast sous peu. Vous êtes bien dans Clair Obscur avec un classique des années 70 avec David Bowie, un classique des années 80 avec Cyndi Lauper. Ce sont des reprises qu'on a compilées pour vous ce soir en collaboration avec certains d'entre vous, mes petits corbeaux qui nous avaient fait vos suggestions sur Facebook, sur MySpace entre autres. Et on va vous passer tout ça ce soir dans cette émission spéciale reprise. Vous nous écoutez sur le 90.3 du côté du Vaucluse, sur le 102.5 du côté du Gard et de l'Hérault et une petite frange des Bouches-du-Rhône. Tout ça c'est la FM, mais vous nous écoutez aussi sur le canal 8 de la RNT du côté de Marseille et bien entendu sur le www.rage.fr avec un player internet qui marche. Et les smartphones aussi, parce que de plus en plus les gens ont la gentillesse et la technologie pour nous écouter via leur téléphone qui décidément maintenant savent tout faire, peut-être à part la cuisine. Va savoir, incessamment sous peu, peut-être une application pour faire le hachis parmentier. Mais pour le moment, restons-en à la musique. Et on disait que certains d'entre vous, chers amis, nous avaient fait leurs suggestions. C'est notamment le cas d'autres collègues qui animent une émission gothique de la région et commencent, à savoir les amis de l'Antichambre à Montpellier, que vous pouvez écouter tous les lundis soirs à partir de 23h sur FM+. Et ils sont invités sur les ondes de Rage avec cette suggestion qu'ils t'ont faite. Avec cette suggestion qu'ils m'ont faite, l'émission la plus divertissante de la bande FM, comme eux aiment à s'appeler, et je trouve ça leur va très très bien. Alors je les salue bien bas. Ils exagèrent un peu, mais c'est mignon. L'émission la plus divertissante ce soir a eu la bonne idée de nous envoyer un morceau à leur image, alors avec le groupe Orgy, rien que le nom, je trouve que ça leur va magnifiquement bien. Oui. Et cette reprise de Blue Monday de New Order, qui est quand même une pure merveille. Alors même si Orgy, on n'en a pas entendu beaucoup, non, ça vaut vraiment le coup. Alors ce soir, si vous êtes avec nous, c'est Clair Obscur, c'est l'émission anniversaire. On espérait que nos invités soient un peu plus brillants, mais tant pis. On va faire du bazar et ça va tomber. Merci à l'Orgy. Stéphane. Je suis tout seul. Ouais, ils sont seuls là. Où sont les anciens de Rage qui devaient venir et qui ne sont pas là? Eh bien écoute, ils sont pour faire leurs adieux à ces magnifiques locaux. Ils sont en pensée avec toi ce soir, puisque effectivement ce soir c'est notre dernière émission dans les locaux de Route de Montfavet à Avignon. On va déménager un petit peu plus loin en ville, donc il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Je vous le dis tout de suite, mais je vous rappellerai en fin d'émission. Pour le moment, on écoute cette suggestion des collègues de l'Antichambre que Nathalie vient de vous présenter, un morceau qu'elle vous avait ramené il y a quelques émissions de ça. Mais quand on aime, on ne compte pas. Orgy et le titre Blue Monday. Dobre utro, bracia. Kaka todzi pasrujedzi Moskwa. Słuchajcie, Klub Obskur. Vous avez pu découvrir Backtrace sous un autre jour, moins engagé, moins contestataire, un peu plus disco, avec la reprise du morceau Yazoo et le morceau Dango qu'on a pu retrouver dans, notamment dans la BO de Tango et Cash pour ceux qui connaissent l'original. Et non, comme tu l'avais marqué, ce n'est pas une suggestion de notre ami Antoine d'Opération of the Sun, mais ça aurait pu, on n'était pas loin de leur délire. Parce qu'il a joué avec eux il n'y a pas longtemps, Antoine, des projets musicaux Tat et Opération of the Sun, qu'on vous a passé maintes et maintes fois. Donc comme lui, il est à Lyon et que Backtrace sont à Genève, ils font régulièrement des choses ensemble, donc à suivre. Et ne partez pas mes petits corbeaux, on continue pour cette émission spéciale reprise avec une playlist aux petits oignons à laquelle vous avez participé. Et on va continuer avec une suggestion de Patrick, un gars, un Nîmois sympa. Les Nîmois sont sympas puisqu'ils nous écoutent sur le 102.5. Et j'avais rencontré ce gars-là à un concert d'In Go One Ring, un projet musical dont j'aurai l'occasion de vous reparler bientôt parce qu'il va revenir à Avignon. Et ce mec-là, donc depuis, est parti de Nîmes, il est parti à Paris. Alors je sais pas si le fait qu'il était du signe du taureau avait quelque chose à voir avec ça, mais toujours est-il que via internet, il m'a fait une suggestion sympa. Il savait que j'étais fan d'Ataraxia. Il a donc proposé cette reprise par Francesca Nicoli et ses amis de ce classique de Kate Bush des années 70, Wuthering Heights, et ça donne en italien La Nuova Margherita. À l'instant, mon groupe préféré, Ataraxia, avec la merveilleuse, la divine, la sensuelle, la formidable, et j'arrête là, Francesca Nicoli, qui reprenait une autre dame sensuelle, formidable, etc., mais une anglaise ce coup-ci, Kate Bush, avec cette reprise de Wuthering Heights. C'était suggéré par Patrick et ça donnait en italien la Nuova Margherita. C'était sur l'album sorti en 1998, Il Fantasma dell'Opera. Et un morceau, moi, que je vais me faire un grand plaisir à dédier à Karine, qui est avec nous dans le studio. C'est sa première fois dans un studio radio et qui se reconnaîtra dans l'évocation de la divine Margherita. N'est-ce pas, Karine? Tu peux parler au micro, hein, tu peux y aller. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, tu es en direct. Bah, c'est très bien. Elle est contente. Elle veut pas dire qu'elle se prend régulièrement des cuites à la Margherita, c'est la pudeur féminine. Mais qui ne fonctionne que quand le micro est allumé, bien entendu. Mais rassurez-vous, nous ne sommes qu'entre nous et nos auditeurs et le reste du monde, tout va bien. Karine, tu es au courant. Rassure-moi, tu travailles en RH, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. C'est fini. La garce. Et tiens, puisqu'on parlait de Il Fantasma dell'Opera, cet album de Ataraxia qui a été inspiré par le roman de Gaston Leroux, il y a un autre projet musical qui a été inspiré par ce chef-d'œuvre de littérature. Ça a été The Phantom of the Opera. Ça a été une comédie musicale du côté des États-Unis avec notamment un titre, The Phantom of the Opera, écrit par Andrew Lloyd Webber. Vous ne connaissez pas cet homme-là, moi non plus, mais moi je connais la reprise de Nightwish qui nous a été suggérée par Mork Dark. Coucou Morcouille. Voilà, qui peut pas nous écouter ce soir, mais on lui fait un grand coucou malgré tout, puisque c'est un de nos auditeurs, sinon le plus ancien, du moins un des plus fidèles. Et il nous a suggéré cette reprise de Nightwish, de ce titre qui fait donc partie d'une comédie musicale qui a sans doute été jouée à Broadway. À mon avis, c'est plus une reprise d'Iron Maiden. Iron Maiden avait repris ce titre-là. Avait sorti un morceau qui s'appelait Phantom of the Opera. Ah oui, oui, oui, oui, t'as peut-être sur raison, le premier chose. Album. Pour le moment, on écoute Phantom of the Opera de Nightwish. obscur sur Rage. Bonjour, moi j'aime bien tout ce qui est un peu gothique. Bon, ce sont des choses qui me parlent. C'est pour ça que j'écoute Clair Obscur sur Rage. Vous aussi, vous habitez dans le sud-est et vous écoutez Clair Obscur, chers amis. À l'instant, c'était JC, le collègue JC qui a été animateur sur Rage et Comment, qui nous faisait ce petit jingle sympa pour présenter l'émission. Vous êtes de retour sur Rage, les amis, pour cette émission spéciale reprise dans Clair Obscur ce soir. Votre émission des musiques sombres fait le tour des covers, tributes, etc. Et à l'instant, c'était une suggestion de Nicolas, Nico, qui écoute parfois de la musique de merde. C'est pour ça qu'il nous suggérait cette reprise du morceau mythique de Depeche Mode, Enjoy the Silence, une des milliards de reprises qui a été faite de ce morceau-là par Christina Scabbia et ses amis. Un groupe sympa, mais À mon avis, la reprise est pas à la hauteur, mais c'est pas grave, Nicolas. Maintenant, on sait que tu écoutes aussi des trucs de merde, même si de temps en temps, tu nous joues des trucs très bien. Et c'était précédé par Nightwish et The Phantom of the Opera, une reprise d'une comédie musicale américaine qui a été suggérée sans doute au groupe par Iron Maiden dans les années 80. J'ai dit n'importe quoi en fait. C'est pas grave. Retirez tout ce que j'ai dit. On t'écoute plus. Donc voilà. Par contre, Stéphane et moi, on se disait hors antenne par rapport à Lacuna Coil. Que Christina Scabbia, putain, Francesca Nicoli et tant d'autres sont absolument splendides. Et je suis c'est sûr pas que juste, on est très, parce très que les chanteurs, en échange, on est mal servi. Oh, ça, c'est pas gentil. Bah, c'est vrai. Hein. Bon, ben, tant pis. Et donc, en attendant, ouais, bah, vous nous écoutez quand même sur Rage, sur le 90.3 pour le, pour le 84. Et une partie des Bouches-du-Rhône sur le 102.5 pour le Gard et l'Hérault. Si vous, vous faites aussi plaisir à nous écouter sur le www.rage.fr avec Bunga Bunga, Nathalie. Bunga Bunga à la sortie du studio, t'inquiète pas, Stéphane. Bon, vous nous écoutez sur Rage ou vous nous écoutez plus parce que vous êtes partis, parce que entre les calembours foireux et les morceaux caricatures, ben, vous avez plié bagage. En attendant, merci à ceux qui sont là. C'est normal, c'est l'émission anniversaire. Nous avons des invités complètement déjantés. On va continuer, on va essayer de survivre au reste de la 20 minutes qui reste. Alors, on va continuer avec une suggestion de Patrick, un autre Patrick, décidément. Patrick Beau ? C'est, oui, là, c'est le beau Patrick. Ah, c'est pas celui-là. Le Patrick. L'immense Patrick Beau. Qui nous a suggéré un morceau qu'il aime bien, un morceau, ce genre de pop, un rock un peu expérimental qu'il affectionne et qui nous a passé sur Rage pendant quelques années dans, dans sa fameuse émission, notamment Exo 7. Pourquoi Patrick expérimental de suite ? C'est logique, en fait. Oui, voilà, ça fait alors un peu. C'est quoi ? Voilà. C'est du Dredge, ça fait du Ocean un peu, Size. Un peu pléonasme, c'est pas du Ocean Size. Du tout. C'est Deftones avec une reprise des Cure, If Only Tonight We Could Sleep. Mes chers amis, je crois que vous dormirez après cette émission parce qu'on a encore pas mal de choses sympas à vous passer. Donc une reprise de Cure pour c'est continuer sublime, cette émission. Et je vous propose de continuer avec ça, avec les Deftones et une petite dédicace de Patrick pour les auditeurs. Bisous. Thank you. l'instant un morceau qui nous était suggéré par Patrick. Patrick qui a animé des émissions fort intéressantes sur Rage dans le passé. Quelques-unes sont encore disponibles sur Internet. Évidemment, on vous mettra tous les liens sur le groupe Facebook de Clair Obscur, un groupe sur lequel vous pouvez nous rejoindre pendant l'émission pour discuter. Et à l'instant, donc, c'était les Deftones avec une reprise des Cure, If Only Tonight We Could Sleep. Et ce soir, donc, vous allez dormir, mais après l'émission, pendant encore un petit quart d'heure, on reste ensemble et on continue avec un groupe parisien qu'on avait déjà passé. C'est nos collègues de la SAD à Montpellier, l'association qui organise des soirées et qui édite des CD, qui nous avait suggéré ce groupe-là, qui t'a envoyé un morceau ce soir. Tout à fait, un groupe qui a eu la gentillesse de participer aussi à l'émission et d'envoyer une de leurs propres créas, donc j'ai trouvé l'attention très délicate, avec le groupe Enso Fort et le morceau Figuratif, qui est une reprise de Christian Death, réorchestré à leur propre sauce New Wave. J'ai trouvé ça très très sympathique. Alors ça aurait pu figurer dans d'autres playlists, parce que c'est moins de la caricature que Yazoo version Back 13 ou autre. J'ai trouvé le morceau de très très grande qualité, moi je me suis régalée à l'écouter, donc ça me fait très plaisir ce soir de les diffuser. J'espère qu'ils sont à l'écoute, parce que sinon ça va être interro écrite sur la totalité de la playlist pour Enso Fort. En attendant, je vous laisse les découvrir, et si vous aimez leur travail, n'hésitez pas à vous rendre sur leur MySpace, je vous mettrai le lien. In the shadow walls of a southern eyes, in the needy graves of future survivors, to flesh's gas knife off, children of the past, they hiding fingers cast. The shadow of the Clair Obscur, l'émission des musiques dark. Instant, une reprise de Joy Division, vous l'aurez reconnu, par In the Nursery avec le titre Love Will Tear Us Apart Again. C'était donc une des milliards de reprises qui a été faite de ce morceau, toute inférieure à l'original, à mon humble avis. Mais ce morceau-là m'intriguait parce que y a cette voix blanche sans émotion et cette clarinette qui rappelait un peu les grandes heures de Roxy Music notamment. C'était une suggestion de David sur Facebook qui est aussi à l'origine d'un bouquin sur le mouvement gothique. Vous pouvez retrouver tout ça sur le groupe Facebook de l'émission. Ait cité dedans en plus, ça me fait très plaisir. Ah oui, c'est vrai, c'était très gentil de sa part d'ailleurs. Et donc voilà, vous pourriez retrouver notamment un catalogue de tous les groupes et émissions de radio et autres temps d'autres choses du mouvement gothique. Donc j'ai dû fader ce morceau-là parce qu'on est un petit poil à la bourre. On zappe l'agenda concert ce soir. On vous mettra toutes les informations bien entendu sur internet. Je vous mettrai aussi à disposition tous les liens intéressants des activités de ceux qui nous ont fait des suggestions ce soir, notamment Patrick et son blog, Jean et ses photos, et tant d'autres. Voilà, Nathalie, je crois qu'il y a des gens avec toi en studio et qui sont prêts à nous dire au revoir. De manière très fine et délicate, hein, allez-y. Hein. Ouais, Stéphane, un poil. Voilà, c'est la dédicace anniversaire de Claire Obscure. Après, mon chéri, après. Slip Léopard, moi je dis. Hein. Bon, allez, on va vous souhaiter une bonne nuit, les petits, parce que là, les petits ne se tiennent plus, on va les rentrer au parc. Et que la fête commence. Non, c'est fini, c'est dodo. Allez, on est en semaine, donc on va aller quand même se coucher à partir de 23h, parce que si on continue à diffuser après, on est une émission pirate. Bah, on va continuer avec une reprise de Jacquenot qui nous a quitté il y a 2 ans, et quelques mois après sa mort, divers artistes se sont regroupés pour faire un album hommage qui s'appelait Jacquenot Futur. Petit clin d'œil à celui qui était à l'origine d'un des premiers groupes punk en France, et qui donc avec Ellie avait fait notamment quelques tubes de synth-pop assez mignons, et Dominique A sur sur cet album de hommage, avait notamment été sorti de son créneau chansons françaises pour rendre un hommage à cet homme-là qui a fait des choses bien, des choses moins bien, mais qui a quand même apporté un petit plus à la scène française des années 80 et même après. Moi, je vous propose de nous quitter avec ça. Je t'aime tant. On vous aime tant, mes petits corbeaux. On vous dit pas rendez-vous la semaine prochaine. Il y aura un best-of, mais dans deux semaines avec une émission spéciale Noël. Bonne nuit. Faites de brèves. Je regarde tes yeux, ça me fait pleurer. Ne fais pas cette tête, je ne veux pas te blesser. Je t'aime tant, aujourd'hui je pars, je reviendrai demain. C'est pas toi et moi ça ne fait qu'un. Je t'aime tant, dès que je ne suis plus là. Tu dis elle ne m'aime pas. Regarde-moi, ma vie serait vide sans toi. Nos erreurs appartiennent au passé, elles sont rayées, annulées, oubliées. Je t'aime tant, les choses trop belles doivent être préservées. Si c'est cassé, nous allons réparer. Je t'aime tant, dès que je ne suis plus là. Tu dis elle ne m'aime pas, ouvre les yeux, regarde-moi. Ma vie serait vide sans toi. D'amour, la preuve par trois. Je t'aime tant, avec mon sang j'ai marqué sur mon bras. À la vie, à la mort, ça ne s'effacera pas. Je t'aime tant, dès que je ne suis plus là. Tu dis elle ne m'aime pas, ouvre les yeux, regarde-moi. Ma très vite sans toi. Happy birthday to me.